Vacarme, c'est fini pour aujourd'hui, mais restez avec nous. Tout de suite, c'est Histoire vivante sur la Première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la Première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Je suis le commandant Massoud de la vallée de Panjshir en Afghanistan. البته جنگ در مناطق افغانستان در هر نقطه فرق میکند چی در مناطق کوهستانی در شهرها و در اراضی هموار cette semaine l'Afghanistan d'une monarchie constitutionnelle à un chaos institué l'interminable état de guerre. Alors pour le moment, si vous voulez, les forces russes détruisent tout ce qu'on peut détruire. Nous le rappelions hier, la guerre entreprise par les soviétiques en Afghanistan a été longue, éprouvante, mais surtout elle s'est soldée par la défaite soviétique. Une défaite que personne ne pouvait imaginer quand en 1980, le gouvernement Brejnev envoie sur place ses MiG, ses Scud et autres délices. Cette armée rouge, dont on pensait qu'elle était l'une des plus puissantes du monde, va, en Afghanistan, pendant 8 ans, connaître l'enfer ou le bourbier, comme on voudra, et ce n'est pas sous le gouvernement de l'ancien patron du KGB, Youri Andropov, que cette politique d'invasion subira un quelconque changement, malgré les nombreuses annonces de retrait. Non, il faudra bien attendre la venue de Gorbatchev, pour enfin voir que l'annonce de la glasnost, loin d'être une nouvelle tartufferie du Kremlin, se réalise bel et bien sur le terrain. On va le voir aujourd'hui, de toute façon il n'était plus possible pour le gouvernement soviétique de maintenir sur place ses propres troupes. L'opinion publique, le poids économique de la guerre, la crise morale de l'armée, tout s'additionnait pour rendre évident l'annonce du retrait des troupes. Nous allons donc remonter le temps et retrouver aujourd'hui, au travers d'extraits sélectionnés, l'édition du soir du journal de la Radio Romande, datée du 10 février 1988, à quelques jours du retrait de l'armée soviétique d'Afghanistan. Voilà pour le côté soviétique. Mais, nous le savons aujourd'hui, Moscou n'est qu'un chapitre de l'histoire tragique d'Afghanistan. Les 8 années de combat sont elles-mêmes encerclées d'autres conflits. Juste avant l'arrivée des soviétiques, le pays était déjà plongé en pleine guerre civile, celle-ci recommençant immédiatement après le départ des soviétiques. Nous nous arrêterons donc aujourd'hui à ce moment incertain où le pouvoir afghan semble appartenir à tout le monde et à personne, où la présence de 4 vice-présidents auprès du président Najibullah ressemble plus à une guerre secrète de palais que chaque parti mène en vue du contrôle du pouvoir. Aujourd'hui, histoire vivante, l'après-URSS. Chapitre 1. Bourbier ? Vous ne dites pas Bourbier ? 4 jours. Nous sommes à 4 jours du départ des troupes soviétiques ce 10 février 1988. 8 années de présence, 16 000 morts, 35 000 blessés côté soviétique, 1 million de morts côté afghan et des millions de réfugiés. En cette année 1988, il en est plus d'un qui pense que l'Afghanistan aura été pour l'URSS ce que le Vietnam fut pour l'Amérique. Un cauchemar pour les soldats, une honte et une gabegie pour le gouvernement. Quant aux civils, à la population, au-delà des larmes, des cris, des égarements, c'est tout un terreau de haine, de rancœur solidement implanté dans les âmes et qui, un jour ou l'autre, ressurgira dans une autre crise. Les échecs sont décidément bien une spécialité soviétique. Et pourtant, ce 10 février 1988, la presse soviétique ne retient pas ce mot. Marianne Kuchler. Les responsables militaires refusent de parler de défaite, affirmant que depuis l'entrée de l'armée rouge en Afghanistan il y a plus de 9 ans, la conjoncture politique a changé dans ce pays et que les troupes se retirent en accord avec le gouvernement de Kaboul. Ils reconnaissent cependant que le Kremlin a pu commettre des erreurs et que les analystes devront se pencher sérieusement sur les événements de ces 9 dernières années. Nous n'aurions jamais dû aller là-bas. C'est l'avis d'une grande partie de l'opinion publique qui sait, depuis que la glasnost a fait son entrée en URSS, que beaucoup de soldats sont morts, que d'autres resteront invalides pour le restant de leurs jours. On n'hésite pas non plus à faire la comparaison avec la guerre du Vietnam, comparaison jugée inappropriée dans les milieux officiels. Mais ces jours-ci, en URSS, il y a tout de même un sentiment qui prédomine partout, c'est le soulagement. Mais le gouvernement, fut-il celui de Mikhaïl Gorbatchev, lui ne veut pas admettre la notion d'échec. Il est préférable de parler d'erreur. Au fond, les décisions d'entrée en Afghanistan ont été prises par les vieux gouvernements, Brejnev, Andropov. Leur faire porter le chapeau, qu'ils ont justement mérité, est toujours préférable à l'aveu d'une faillite à venir. Dmitri Youdin, conseiller diplomatique soviétique. Écoutez, je pense que on doit prendre les responsabilités qui sont les nôtres. Si c'était une erreur, moi je dirais que c'en était une. Effectivement, je pense que c'est un grand courage, c'est la démonstration du courage que de reconnaître ces erreurs, ces torts, et de les corriger. Nous avons vu que un parti ne représente pas tout l'Afghanistan. En effet, le multipartisme a sa vitrine en Afghanistan, et quelle vitrine ! Quand l'URSS dit cela, elle dit bien sûr que l'affaire est loin d'être conclue. Mais qui veut entendre ces paroles ? Pour le moment, c'est la paix, tout au moins un semblant de paix, et cela prévaut toujours sur le reste, tout au moins dans le court terme. Il faut bien dire, l'Afghanistan en pleine guerre commençait sans doute à donner une certaine idée de l'enfer. Frank Leutenegger. Quand on voyage en Afghanistan, dans un pays où on se déplace surtout à pied actuellement, ce sont d'abord les paysages magnifiques, les montagnes majestueuses, les vallées accueillantes. Mais c'est un peu comme dans un cauchemar, où tout se déforme toujours au moment où on s'approche. Les villages qu'on a vus dans le lointain, les champs, on marche, on arrive à proximité, et c'est là qu'on s'aperçoit que le village n'a plus une seule maison intacte, que les champs sont abandonnés, dévastés, que les rares plantes qui poussent encore sont malades, avec des couleurs peu naturelles. Toujours dans les montagnes, les routes. Il n'y en a plus une seule de carrossable. Les obus, les bombes, les mines ont creusé de tels cratères qu'il est devenu impossible de passer en véhicule. Dans les grandes plaines agricoles, on retrouve un peu de vie. Les villages portent tous les marques de la guerre, aucun n'est intact, mais au moins on y trouve encore des habitants. On cultive quelques champs, mais jamais sur une surface importante qui pourrait attirer l'attention d'un bombardier. Alors on se contente de petits lepins écartés les uns des autres, mal irrigués. Tout le réseau de canaux qui apportait la richesse de l'eau à la terre a été endommagé. Encore un souvenir, celui des villages qui bordent une grande route au sud de Kaboul. La route est à peu près carrossable, les soviétiques l'ont utilisée pour évacuer, mais de chaque côté, tout a été rasé. C'est une tactique dont on a de nouveau entendu parler ces derniers jours sur la route de Salang. Pour assurer la sécurité des convois, les troupes soviétiques ne laissent en bordure de route aucune construction qui pourrait abriter des rebelles. Enfin, à toutes ces destructions déjà là, il faut ajouter celles qui sont encore en devenir. Je veux parler des mines dont certaines régions sont littéralement saturées et qui n'attendent que le passage d'un chameau, d'une charrette ou même d'un homme pour ajouter un cratère au paysage. Car les guerres modernes ne s'arrêtent pas au coup de sifflet de l'arbitre. La mort guette ses prochains clients et elle a tout son temps. La terre. La terre nourricière elle-même qui peut redonner vie, cette terre elle-même est désormais piégée. Et qui est encore là pour s'en occuper ? Marek Lewinsky, chercheur à l'Université de Genève. D'après les résultats des sondages que j'ai effectués en 1987, les sondages ont été clos en mois d'octobre, les pertes humaines s'élevaient à 9% de la population d'Afghanistan d'avant 1979. 9%, c'est l'un des plus hauts taux jamais enregistrés dans une guerre moderne. Oui. Actuellement, il faut penser que ce taux dépasse probablement déjà 10% de la population. Donc un véritable génocide, on peut le dire. Oui, malheureusement, oui. À ces pertes, il faut encore ajouter les pertes résultant de l'augmentation de la mortalité infantile. Avant la guerre, la mortalité infantile en Afghanistan était environ 15%. Maintenant, ces pertes avoisinent 22%. Donc il y a encore ces 7% supplémentaires des enfants. Il y a encore d'autres pertes, n'est-ce pas, qui résultent du déficit des naissances. Il y avait énormément de familles séparées, énormément de veuves, qui cesse d'être les mères. Et alors, il me semble, n'est-ce pas, que malheureusement, ces pertes alors vont avoisiner environ 2 millions de personnes, toutes les causes confondues, bien sûr. Pour vous donner un peu l'état de cette destruction, alors je peux vous dire que la population paysanne en Afghanistan, c'est-à-dire la population rurale plutôt, en Afghanistan, avant 1978, c'était environ 85% de la population. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a environ 20% des personnes qui restent à la campagne. Qui dit désertion des paysans dit abandon des terres irriguées et dit à terme désertification. Oui, en cette année 1989, l'armée soviétique s'apprête bel et bien à partir de l'Afghanistan, ou plutôt de ce qu'il en reste, égare où l'on pose ses pieds. Saber Azam, responsable du comité afghan d'aide humanitaire. Le problème numéro un, c'est le problème de déminage de pays. Vous savez que les Soviétiques ont dispersé, selon les statistiques, entre 13 à 15 millions de mines antipersonnelles. Les montagnes ont été minées parce que c'était les lieux de passage de la résistance. Les champs ont été minés parce que les gens logeaient la résistance. Donc, pour vous dire qu'une surface de plus de 650 000 km², qui est la surface totale de l'Afghanistan, est quasiment minée. Donc, c'est un travail immense. Toute opération du développement, toute opération de rapatriement de réfugiés en Afghanistan ne peut se faire sur des champs de mines. Il nous faut avant tout vraiment des personnes honnêtes et puis travailleurs et surtout les gens qui ont l'esprit d'initiative. Nous entrons dans une nouvelle phase en Afghanistan et j'espère que l'entrée dans cette phase sera aussi douce que possible. Tout est à reprendre dans ce pays, donc il faut plutôt commencer à bâtir ou à rebâtir ce pays avec des bases qui nous font vraiment hausser la tête sur tous les plans dans le monde. Tout est à recommencer. Peu d'artistes occidentaux se sont exprimés contre cette guerre d'Afghanistan, bien trop lointaine et loin d'être médiatisée comme celle du Vietnam. Si les Américains faisaient preuve d'une certaine gêne à fustiger l'URSS, Warren Zevon, en tout cas, un songwriter et un cas à part dans le rock américain, ne se gêne pas, lui, pour apostropher les maîtres du Kremlin. Warren Zevon dans Turbulence. Turmoil back in Moscow brought this turbulence down on me. Turmoil back in Moscow brought this turbulence down on me. Well, you can talk about your perestroika, and that's all right for you. But comrade Shevardnadze, tell me, what's a poor boy like me to do? Turmoil back in Moscow brought this turbulence down on me. Turmoil back in Moscow brought this turbulence down on me. We've been fighting with the Mujahideen down in Afghanistan. Comrade Gorbachev, can I go back to Vladivostok, man? Turmoil back in Moscow brought this turbulence down on me. Turmoil back in Moscow brought this turbulence down on me. This turbulence down on me. Turmoil back in Moscow brought this turbulence. Chapitre 2. Après la guerre, la guerre. Le départ officiel d'Afghanistan des troupes soviétiques, annoncé par Mikhail Gorbatchev, est donc bel et bien prévu pour le mois de février 1988. Un départ après 8 années de guerre, dont nous rappelions le bilan en première partie d'émission. Mais voilà, si les familles des soldats russes encore en vie peuvent respirer, il en est loin du peuple afghan, ou plutôt de cette addition d'ethnies, de clans, de tribus qui composent ce qu'on n'ose guère appeler un peuple. La guerre contre l'ogre soviétique a donné pendant un temps une certaine unité, mais celle-ci se cantonnera bien uniquement à la résistance et ne résistera pas au départ des soviétiques. Pour le moment, des chantiers bien opposés sont en cours en Afghanistan. Il faut pour les uns reconstruire le pays, pour d'autres il s'agit d'abord de reprendre les rênes du pouvoir, à commencer par les grandes villes. Retour sur les extraits de l'émission spéciale consacrée par la radio romande au moment du retrait des troupes soviétiques. Saber Azam. C'est tout à fait vrai que la résistance essaye d'éviter à tout prix un bain de sang ou des bains de sang. La raison en est très simple, c'est que nous sommes à l'époque de l'hiver en Afghanistan et l'hiver est extrêmement rude, en particulier cette année. Il a beaucoup neigé, les voies de communication, même à pied, sont coupées. Donc si la résistance mène un assaut dans une ville, à ce moment-là, la conséquence de cet assaut sera extrêmement grave. Donc pour les commandants de l'intérieur, à l'heure actuelle, ce qui est indispensable, c'est de réfléchir à prendre plutôt les villes d'une manière politique, c'est-à-dire avec la coopération de la population et puis éventuellement la coopération de ce qui reste de l'armée. Autrement dit, pas de bataille pour prendre Kaboul, mais un travail de sape, un travail dans la patience. Les Moudjahidines croient au temps. Il est vrai qu'ils viennent de battre l'une des plus grandes armées du monde et les combattants sont galvanisés. Il faut donc favoriser la lente mais inéluctable implosion du régime de Najibullah en place depuis 1986. Et qui, ne l'oublions pas, est encore, jusqu'à preuve du contraire, la seule voie officielle afghane avec laquelle traitent les puissances extérieures. Quand en 1988 les accords de Genève sur le retrait soviétique ont été ratifiés, ils le furent entre le gouvernement de Kaboul, l'URSS, le Pakistan et les États-Unis. Seule l'opposition afghane n'a pas reconnu ces accords. Elle n'en a pas pour autant démordu de son bon droit. Mais cette résistance, aussi opiniâtre et obstinée soit-elle, est avant tout remarquable par sa diversité. Frank Leutenegger. Une diversité qui est due à de nombreux clivages politiques, religieux et même ethniques. Sur le plan religieux, nous avons les sunnites, basés au Pakistan et soutenus par ce pays, par les États-Unis et l'Arabie Saoudite aussi, qui forment la grande majorité de la population afghane. Et puis il y a les chiites, minoritaires du Sud, qui sont soutenus, eux, par l'Iran. Les chiites sont des intégristes musulmans qui ne rêvent que de remplacer la révolution rouge des communistes par la révolution verte de Khomeini. En général, les sunnites sont plus modérés, même s'ils se disent tous fondamentalistes, c'est-à-dire musulmans sans concession. Comme par exemple le Jamiat Islami, l'un des partis les plus puissants et les plus connus en Occident au travers du commandant Ahmad Shah Massoud, le lion du Panjshir. Mais les sunnites ne sont pas tous modérés, tant s'en faut. L'un des partis les plus actifs à Peshawar est le Hezb Islami de Gulbuddin Hekmatyar, sunnite mais intégriste, qui veut instaurer une république islamique pure et dure. Vous le voyez, une pluralité d'opinions que 10 ans de guerre n'ont pas réussi à gommer. Il faut dire qu'à ces différences de parti, il faut ajouter des différences d'ethnie. Il y a les Pashtuns des montagnes de l'Hindou Kush à la frontière du Pakistan, les Tadjiks qui s'illustrent au Panjshir, et puis les souches turco-mongoles, ouzbeks, turkmènes, kirghizes, kazakhs, hazara. Les alliances que les hommes reconnaissent tiennent plus par la tribu que par une idée politique. Enfin, il y a, on l'a dit tout au long du conflit, le fossé inévitable entre les politiciens de l'arrière qui discutent plutôt confortablement des sacrifices à consentir et ceux qui sont en première ligne et qui subissent tous les jours les rigueurs de la guerre. Alors vous prenez toutes ces caractéristiques, un peu de chaque, et vous obtenez une invraisemblable mosaïque de gens, de tendances, de fidélité, de rancœur aussi, parfois de haine ancestrale. De par le monde, nul homme n'est aussi traître et menteur que toi. Ce titre évocateur, en vérité un chant de dépit et de reproche d'une femme à son fiancé trop lâche, pourrait presque avoir été écrit par les rebelles en hommage à Najibullah. Vous écoutez Histoire vivante, cette semaine, l'Afghanistan. D'une monarchie institutionnelle à un chaos institué, l'interminable état de guerre. Étrange constat que l'on peut faire concernant l'après-guerre, entendez la Seconde Guerre mondiale, les deux gérants de la foudre nucléaire, URSS et USA, auront réalisé bien des retraits. L'Afghanistan est loin d'être le seul. Un rappel de tous ces retraits, ces replis, avec Christian Sulzer. 62, crise des fusils à Cuba, l'Amérique et les États-Unis en risque de collision frontale reculent. 65-75, les États-Unis au Vietnam. Face à une guérilla soutenue par l'Union soviétique et la Chine, l'Amérique recule. 79-89, en Afghanistan, c'est l'Union soviétique engagée à son tour face à une guérilla appuyée par des Arabes, des musulmans et par l'Occident, dont les États-Unis. L'Union soviétique à son tour recule. Voilà qui peut donner à méditer sur les limites de la superpuissance. On y ajoutera un autre constat encore dans cet inventaire tout à fait provisoire, je le répète. C'est un constat de désinvolture planétaire que l'on peut porter au crédit des super grands. La deuxième guerre du Vietnam a fait plus d'un million de victimes. En Afghanistan, vous n'avez cessé de le répéter, avec plus d'un million de morts, 35 000 blessés côté soviétique, 15 000 soviétiques tués, autant de blessés, de mutilés, des dégâts innombrables, eh bien, l'ardoise est tout simplement terrifiante. Or, je le rappelle, le Vietnam n'a pas fini aujourd'hui de payer encore les dévastations de la guerre qu'il a subie. Un mois plus tard, le téléphone depuis Peshawar de Bernard Delpuech indique bien que le conflit en Afghanistan n'est pas terminé. La bataille de Kaboul, tant annoncée, n'a pas eu lieu, mais celle de Djellabad vient de commencer. Cette ville de 500 000 habitants, proche de la frontière pakistanaise, est soumise depuis 24 heures à la pression des moujahidines qui pilonnent sans relâche les positions gouvernementales. Tout devait basculer après le 15 février en Afghanistan. Or, depuis, à vrai dire, pas grand-chose n'a bougé. Les moujahidines avaient annoncé la chute de Kaboul 24 heures après le départ des soviétiques. Or, Kaboul est toujours en place et une question est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Les moujahidines n'auraient-ils pas vendu la peau de l'ours trop tôt? Le dos au mur, ils sont aujourd'hui tenus de passer à l'action car le temps, ils le savent, joue désormais contre eux. Les moujahidines ont besoin d'une ville pour y installer au plus tôt leur gouvernement provisoire car à prolonger leur séjour au Pakistan, c'est leur brevet de patriotisme qui finirait par en souffrir. Mais le défi ne sera pas facile à relever. Les gouvernementaux bénéficient de deux avantages, la force aérienne et la population civile qu'ils tiennent toujours en otage. Et si les moujahidines devaient s'emparer de Jalalabad, beaucoup craignent ici de violentes représailles de Kaboul qui pourraient décider, pas moins, de bombarder la ville. Les moujahidines ne vont certes pas lâcher leur lutte pour faire tomber le gouvernement, mais bientôt, un autre courant va entrer en scène par la voix de jeunes étudiants issus des écoles coraniques les plus intégristes. Demain, l'apparition des talibans. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Janine Mani. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rochat. Une émission de Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.